tu détailles comment porter l'arche, les voiles, les ustensiles sacrés. Tu montres que tous ceux qui touchent ta gloire ne se manipulent pas à la légère. Tu apprends au peuple à respecter le poids de ta sainteté, à couvrir ce qui est trop sacré, à marcher avec humilité. Porter ta présence n'est pas un jeu, c'est un honneur et un tremblement. C'est avancer sous le même feu qui a consumé le sacrifice innocent. Des porteurs de ta lumière dans un monde rempli de peur. Tu nous apprends par ces détails à ne pas courir sans te chercher, car transporter ton nom sans ta main, c'est se perdre et s'épuiser. Apprends-nous à porter ta présence avec respect, avec amour, à ne pas banaliser ta gloire. Tu nous gardes sous ton...